rockstar. Quand l'instru passe du rock au rap, 2008 toi MP3 aura du rock en rap. Un riff infernal, si t'en as Marshall, ta guitare pleure, on fait saigner les amplis Marshall. Tu rêves de l'or, reste dans ton lit parce que le rap dort. La ghetto rockstar bouffera l'assassin comme un raptor. Ça passe du rap aux gens, tous les puristes en sang. Fuck les paillettes, j'oublierai pas qui je suis vraiment dans le champ. Du rock au rap, j'apporte une autre mentalité. Ouverture d'esprit pour voir autrement la cité. Un riff de guitare qui suscite l'envie de m'évader. Pour d'autres sensations dans lesquelles je pourrais me dévoiler. Sans cesse en train d'innover pour enrichir notre musique, développer nos idées et notre côté artistique. Une foule hystérique serait la plus belle chose pour donner un autre mouvement, l'envie que tout explose. Quel est ce courant qui m'attire au plus profond de mes illusions? Je l'entends qui m'appelle et me tire hors de moi et de ma raison. C'est comme une douleur qui s'empire et coule en moi comme un poison. Ma vie est tout ce que je désire en vivre tant de partitions. Je crois pas que c'est un exercice. Je suis possédé par le rock, il me faut un exorciste. Dans mes shows dans la fosse, j'aimerais que mes robes bastonnent. M'expatrier comme Swift a fait avec Rob Aston. Mélange des styles, je vois pas les gars d'ici aimer. J'ai éventré le peurasse, on soit sur Master Mage ici aimé. Les vrais le savent, je mets la musique en mode rap metal. J'ai acquis ça avant que le rap métal. Des mélodies nouvelles pour me lancer dans un autre style. Toucher d'autres personnes, pour certains ça paraît hostile. Pour moi c'est positif, d'élargir le champ d'action par des notes saturées qu'on peut retrouver sur la partition. Mentalité rockstar, fuck la mentalité popstar. J'suis toujours authentique quand y'a siffleur à la guitare. Les kickbacks, les kickbacks, les snarfraps, les snarfraps. Ce morceau m'a fait oublier que je rappe. Quel est ce courant qui m'attire au plus profond de mes illusions? Je l'entends qui m'appelle et me tire hors de moi et de ma raison. C'est comme une douleur qui s'empire et coule en moi comme un poison. Ma vie est tout ce que je désire en vivre tant de partitions. Quel est ce courant qui m'attire au plus profond de mes illusions? Je l'entends qui m'appelle et me tire hors de moi et de ma raison. C'est comme une douleur qui s'empire et coule en moi comme un poison. Ma vie est tout ce que je désire en vivre tant de partitions.